La servante et l'ordonnance. Nous cueillons des cerises dans le jardin avec la servante. L'ordonnance et l'officier étranger arrivent dans la jeep. L'officier passe tout droit et il entre dans sa chambre. L'ordonnance s'arrête près de nous. Il dit « Bonjour les petits amis, bonjour la jolie demoiselle. Cerises déjà mûres, moi aimais beaucoup les cerises, moi aimais beaucoup jolie mademoiselle. » L'officier appelle par la fenêtre. L'ordonnance doit entrer dans la maison. La servante nous dit « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il y avait des hommes chez vous ? Ce sont des étrangers. » Et alors, « Qu'il est bel homme, l'officier ?» Nous demandons « L'ordonnance ne vous plaît pas ? Il est petit et gros. Mais il est gentil et amusant et il parle bien notre langue. » Elle dit « Je m'en fiche, c'est l'officier qui me plaît. » L'officier vient s'asseoir sur le banc devant sa fenêtre. Le panier de la servante est déjà plein de cerises. Elle pourrait retourner à la cure, mais elle reste là. Elle regarde l'officier, elle rit très fort. Elle se suspend à une branche d'arbre, elle se balance, elle saute, elle se couche dans l'herbe et finalement elle lance une paquette au pied de l'officier. L'officier se lève, rentre dans sa chambre. Peu après, il en sort et part avec la jeep. L'ordonnance se penche à la fenêtre et crie « Qui venir aider pauvre homme à nettoyer chambre très sale ?» Nous disons « Nous voulons bien vous aider. » Il dit « Besoin une femme pour aider. Besoin jolie mademoiselle. » Nous disons à la servante « Venez, on l'aide un peu. » Nous allons tous trois dans la chambre de l'officier. La servante prend le balai et commence à balayer. L'ordonnance s'assied sur le lit. Il dit « Moi rêver, une princesse, je vois dans rêve. Princesse doit me penser pour réveiller. » La servante rit. Elle pense très fort l'ajout de l'ordonnance. L'ordonnance crie « Moi réveiller maintenant. Moi aussi vouloir penser, méchante princesse. » Il prend la servante dans ses bras et lui pince les fesses. La servante se débat, mais l'ordonnance la serre très fort. Il nous dit « Vous, dehors, et fermez la porte. » Nous demandons à la servante « Vous voulez que nous restions ?» Elle rit « Pourquoi faire ?»« Je me défends très bien toute seule. » Alors nous sortons de la chambre, nous refermons la porte derrière nous. La servante vient à la fenêtre, elle nous sourit, elle tire les volets et ferme la fenêtre. Nous montons dans le galeta et par les trous, nous regardons ce qui se passe dans la chambre de l'officier. L'ordonnance et la servante sont couchées sur le lit. La servante est toute nue. L'ordonnance a seulement sa chemise et ses chaussettes. Il est couché sur la servante et tous les deux bougent d'avant en arrière et de droite à gauche. L'ordonnance grogne comme le cochon de grand-mère et la servante pousse des cris comme si on lui faisait mal, mais elle rit aussi en même temps et elle crie « Oui, oui, oui, oh, oh, oh !» Depuis ce jour, la servante revient souvent et elle s'enferme avec l'ordonnance. Nous les regardons parfois, mais pas toujours. L'ordonnance préfère que la servante se baisse ou qu'elle se mette à quatre pattes. Et il la prend par derrière. La servante préfère que l'ordonnance soit couchée sur le dos. Alors elle s'assied sur le ventre de l'ordonnance et elle bouge de haut en bas, comme si elle montait à cheval. L'ordonnance offre parfois des bas de soie ou de l'eau de Cologne à la servante. L'officier étranger. Nous faisons notre exercice d'immobilité dans le jardin. Il fait chaud. Nous sommes couchés sur le dos à l'ombre du noyer. À travers les feuilles, nous voyons le ciel, les nuages. Les feuilles de l'arbre sont immobiles, les nuages semblent l'être aussi, mais si on les regarde longuement, attentivement, on remarque qu'ils se déforment et s'étirent. Grand-mère sort de la maison. En passant à côté de nous, d'un coup de pied, elle envoie du sable et du gravier sur notre visage et sur notre corps. Elle marmonne quelque chose et s'en va dans la vigne pour faire la sieste. L'officier est assis, torse nu, les yeux fermés sur le banc devant sa chambre, la tête appuyée contre le mur blanc et en plein soleil. Soudain, il vient vers nous. Il nous parle, mais nous ne répondons pas, nous ne le regardons pas. Il retourne sur son banc. Plus tard, l'ordonnance nous dit « Monsieur l'officier demande-vous venir parler avec lui. » Demande-vous venir parler avec lui. Nous ne répondons pas. Il dit encore « Vous levez et venir. Officier fâché si vous pas obéir. » Nous ne bougeons pas. L'officier dit quelque chose et l'ordonnance entre dans la chambre. On l'entend chanter en faisant le ménage. Quand le soleil touche le toit de la maison à côté de la cheminée, nous nous levons. Nous allons vers l'officier, nous nous arrêtons devant lui. Il appelle l'ordonnance. Nous demandons, que veut-il? L'officier pose des questions. L'ordonnance traduit. Monsieur l'officier demandait pourquoi vous pas bouger, pas parler. Nous répondons. Nous faisons notre exercice d'immobilité. L'ordonnance traduit encore. Monsieur l'officier dire vous faire beaucoup d'exercices. Aussi autre sort. Il a vu vous taper l'un l'autre avec ceinture. C'était notre exercice d'endurcissement. Monsieur l'officier demandait pourquoi vous faire tout ça. Pour nous habituer à la douleur. Il demandait vous plaisir avoir mal. Non, nous voulons seulement vaincre la douleur, la chaleur, le froid, la faim, tout ce qui fait mal. Monsieur l'officier, admiration pour vous. Il trouvait vous extraordinaire. L'officier ajoute quelques mots. L'ordonnance nous dit. Bon, fini. Moi, obligé partir maintenant. Vous aussi, filier, allez à la pêche. Mais l'officier nous retient par les bras en souriant et fait signe à l'ordonnance de partir. L'ordonnance fait quelques pas de retour. Vous, partir vite, allez promener dans la vie. L'officier le regarde et l'ordonnance s'éloigne jusqu'à la porte du jardin où il nous crie encore. Foutre le camp, vous. Pas rester, pas comprendre, imbécile. Il s'en va. L'officier nous sourit, nous fait entrer dans la chambre. Il s'assied sur une chaise, il nous tire à lui, nous soulève, nous fait asseoir sur ses genoux. Nous mettons nos bras autour de son cou, nous nous serrons contre sa poitrine velue. Il nous berce. En dessous de nous, il entre les jambes de l'officier, nous sentons un mouvement chaud. Nous nous regardons, puis nous regardons l'officier dans les yeux. Il nous repousse doucement, il nous ébouriffe les cheveux, il se met debout. Il nous tend de cravache et il se couche sur son lit à plat ventre. Il dit un seul mot que, sans connaître sa langue, nous comprenons. Nous frappons une fois l'un, une fois l'autre. Le dos de l'officier se strie de raies rouges. Nous frappons de plus en plus fort. L'officier gémit et s'en change de position, descend son pantalon et son cassoulon jusqu'aux chevilles. Nous frappons ses fesses blanches, ses cuisses, ses jambes, son dos, son cou, ses épaules et tous. De toutes nos forces et tout devient rouge. Le corps, les cheveux, les habits de l'officier, les draps, le tapis, nos mains, nos bras sont rouges. Le sang gisle même dans nos yeux. Se mêle à notre transpiration et nous continuons de frapper jusqu'à ce que l'homme pousse un cri final inhumain et que nous tombions épuisés au pied de son lit. La langue étrangère. L'officier nous apporte un dictionnaire dans lequel on peut apprendre sa langue. Nous apprenons les mots. L'ordonnance corrige notre prononciation. Quelques semaines plus tard, nous parlons couramment cette langue nouvelle. Nous ne cessons pas de faire de progrès. L'ordonnance n'est plus obligée de traduire. L'officier est très content de nous. Il nous offre un harmonica. Il nous donne aussi une clé de sa chambre pour que nous puissions y entrer quand nous voulons. Nous y allons déjà avec notre clé, mais en cachette. Maintenant, nous n'avons plus besoin de nous cacher et nous pouvons y faire tout ce qui nous plaît. Manger des biscuits et du chocolat, fumer des cigarettes. Nous allons souvent dans cette chambre car tout y est propre et nous y sommes plus tranquilles qu'à la cuisine. C'est là que nous faisons nos devoirs le plus souvent. L'officier possède un gramophone et des disques. Couchés sur le lit, nous écoutons de la musique. Une fois, pour faire plaisir à l'officier, nous mettons l'hymne national de son pays. Mais il se fâche et brise le disque d'un coup de poing. Parfois, nous nous endormons sur le lit qui est très large. Un matin, l'ordonnance nous trouve là. Il n'est pas content. C'est imprudence. Vous plus faire bêtises comme ça. Quoi arriver une fois si l'officier rentre le soir? Que pourrait-il arriver? Il y a assez de place pour lui aussi. L'ordonnance dit, « Vous, très bête, une fois vous payez la bêtise, si l'officier vous fait mal, moi je tue lui. Il ne nous fera pas de mal, ne vous en faites pas pour nous. » Une nuit, l'officier rentre et nous trouve endormis sur son lit. La lumière de la lampe à pétrole nous réveille. Nous demandons, « Vous voulez que nous allions à la cuisine ?» L'officier nous caresse la tête et dit « Restez, restez seulement ». Il se déshabille et se couche entre nous. Il nous entoure de ses bras, il nous chuchote dans l'oreille « Dormez, je vous aime, dormez tranquillement ». Nous nous rendormons plus tard, vers le matin, nous voulons nous lever. Mais l'officier nous retient « Ne bougez pas, dormez encore ». Nous avons besoin d'uriner, nous devons sortir. Ne sortez pas, faites-le ici. Nous demandons où. Il dit, sur moi, oui, n'ayez pas peur, pissez sur mon visage. Nous le faisons, puis nous sortons dans le jardin car le lit est tout mouillé. Le soleil se lève déjà. Nous commençons nos travaux du matin.